Mais pourquoi, Monsieur Karim, pourquoi vous évitez d'inviter vos frères les Kabyles pour un barbecue sanglais? Pourquoi pas? Bah écoutez, monsieur, nos frères Kabyles sont les bienvenus. Nos frères Kabyles, avec le passeport de la République démocratique algérienne, ils se sentent algériens et ils ont libéré la terre avec leur sang aussi. Donc, ils sont démocratiques et républicains et algériens. Donc, je n'ai rien contre eux. Jacobin, Jacobin. Et puis, faut dire que c'est eux qui ramènent le meilleur vin. Donc, on les invite tout le temps. Ils viennent jamais les mêmes. Tout à fait, tout à fait. Et je ne manque pas, avant et après ça, tu m'auras un bon petit vin de Sidi Bel Abbès avec un couscous merguez avec mes amis français de souche, comme on dit, et aussi nos amis bougnoules. Voilà, une projection d'un film et d'un spectacle de danse folklorique de la région. D'ailleurs, je tenais à dire que la cuisine algérienne, elle est magnifique. Je viens vraiment de goûter un cassoulet, une pizza. On m'a dit que ces pizzas étaient faites dans le coffre de voiture. Ah, c'est la fameuse Comment pizza parfait, qui fait la taille du Monsieur plat Jérémy, d'arrière de comment ça se Saint-Cyr, fait? c'est ça? Monsieur Jérémy, écoutez-moi, ma foi. Comment ça se fait que la petite Fite Claire, elle arrive là-bas, dans la ville de Tlemcen, et elle se fait toucher le nibar sans son consentement? Comment ça se passe tout ça? C'est quoi vos délires? Chez vous, Monsieur, vous avez la main je légère vous ou comment demande de ça se passe? respecter. Monsieur, vous êtes dans une république démocratique. Vous n'êtes pas dans une société féodale. Respectez, s'il vous plaît, monsieur, les lois de la République que mon ami Darmanin et d'ailleurs son grand-père Harki a combattu pour la France, lui aussi. Donc respectez la. Gérald Moussa, hein, Gérald Moussa d'Arménie. Donc rien que dans le nom, on a le pédigré. Donc pour Je vous vous. demande. Je vous demande du respect, nos amis marocains. Respectez-nous. Donc pour vous, Monsieur Jérémy, là-bas, tous les touristes chez vous se font toucher comme en Thaïlande, c'est ça ou quoi? Il ne s'est rien passé. Cet touriste a pu profiter d'un pays somptueux qui a le meilleur patrimoine d'Afrique et du monde. Et d'ailleurs, j'encourage les Français et tous les hôteliers à investir en France et Et en puis pour Algérie. cette histoire graveleuse, comme on dit chez moi, rien dans les mains, rien dans les poches.